Chapitre 33e, encore des craintes. Quelques mois se sont écoulés. Le printemps est revenu. Le sofa de Madame Rice est dans le salon de Madame Halliburton. Jenny y est étendue, les yeux brillants, les joues tachées de rouge, ses jolies boucles en désordre. L'automne, l'hiver, s'étaient paisiblement passés, et Jenny s'était bien portée, mais quand le printemps avait reparu, elle avait décliné rapidement. La toux était revenue, et une grande faiblesse s'était emparée d'elle. Elle voulait toujours rester tranquille et se coucher partout. Posant un manteau sur le plancher, prenant un coussin en guise d'oreiller, elle s'étendait entre sa mère et la cheminée. Un jour Dobbs entra et la trouva là. « Dieu de miséricorde !» s'écria-t-elle quand elle fut revenue de sa surprise. « Pourquoi vous couchez-vous là ?»« Je suis fatiguée, » répondit l'enfant, « et je ne sais pas où me coucher. Quand je mets trois chaises ensemble, je ne suis pas bien et le coussin s'en va. » Il y a un sofa dans notre salon, pourquoi n'y venez-vous pas? J'y vais souvent, Dobbs, mais j'aime bien venir quelquefois causer avec maman. Dobbs disparut. On entendit quelque chose dégringoler dans le corridor, et Dobbs entra, portant le canapé et rouge de fatigue. Ma maîtresse est indignée de penser que cet enfant est sur le plancher, cria-t-elle avec colère. C'est à croire qu'il y a des gens qui n'ont pas de cervelle que de n'avoir pas demandé le sofa. Mais Dobbs, dit Jenny, chez vous, sur quoi est-ce que je coucherai? Comme s'il n'y avait pas ma chaise longue qui est aussi commode qu'un lit, répondit Dobbs en installant confortablement Jenny. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'étais venu vous expliquer quand la vue de cet enfant m'a mise hors de moi, continua-t-elle en se tournant vers Madame Halliburton. La jambe de Madame ne va pas mieux, et elle s'est décidée à demander Paris. C'est un érysipèle, pour sûr. Tous les printemps, elle a quelque chose à la jambe. Je l'ai vue 10 semaines sans pouvoir bouger. Le meilleur moyen de prévenir les érysipèles, c'est de prendre à temps un autre bain chaud, interrompit Jane. L'interruption des plus forts à Dobbs. Un bain chaud, répéta-t-elle ironiquement. Et comment, je vous prie, madame pourrait-elle en prendre un, s'asseoir dans un cuvier et se faire verser de l'eau bouillante dessus? Ces nouvelles idées peuvent convenir aux gens de Londres, mais on ne les connaît pas, à Helstonleigh. De bain chaud. « Ah oui, vraiment. Si vous le proposiez tout de suite un bain dans son lit. » J'ai entendu dire qu'on en avait inventé de cette façon. « Moi aussi, » dit Jane avec douceur. « Eh bien, ma maîtresse va faire demander Paris. Et elle veut qu'il voie Jenny en même temps qu'il lui donne de la médecine, si la médecine peut lui faire du bien. Et vous, Jenny, vous la prendrez avec toutes les bonnes choses que vous aurez après, pour vous ôter le mauvais goût. Des bains chauds, à quoi pensent donc les gens ?» Monsieur Perry fut appelé. Et bientôt, il y eut de malades à soigner. Madame Rice était confinée dans son lit par un érysipèle à la jambe. Et quand un jour Jenny paraissait mieux, le lendemain, elle était plus mal. Le médecin ne dit pas ce qu'elle avait. Il lui ordonna une nourriture fortifiante et du vin de Bordeaux. Une heure après qu'il eut décrit l'ordonnance, Dobbs parut, une bouteille à la main. « C'est 2 verres par jour qu'elle doit prendre, 1 à 11 heures et 1 à 3 », cria-t-elle sans circonlocution. « Mais je ne puis pas accepter une chose aussi coûteuse que du vin de Bordeaux !» s'écria Madame Halliburton consternée. « Vous ferez comme vous voudrez, madame !» dit Dobbs d'un air hautain. « Jenny l'acceptera, et elle boira ses 2 verres par jour, quand je devrais venir les lui donner moi-même. »« Et ce ne sera pas de l'argent qui sortira de la poche de ma maîtresse. Paris dit qu'il se passera bien 2 mois avant qu'elle puisse boire du vin, et Jenny le prendra à sa place. Si madame était gênée, je ne prendrais pas mon verre, comme je le fais régulièrement. » « Je ne pourrai jamais vous payer de votre générosité pour Jenny, » soupira Madame Halliburton. « Vous le ferez si on vous le demande, » répliqua Dobbs. « Voici une aile de poulet pour son dîner et un joli petit morceau de porc-bouilli. Je ne me donne pas la peine de mettre la nappe puisque ma maîtresse est au lit. Aussi, je lui apporterai son dîner ici jusqu'à ce que madame soit debout. Jenny, vous monterez prendre le thé avec nous. J'ai préparé le fauteuil. » « Merci beaucoup, Dobbs. Et ne laissez pas ces gros cormorants lui manger ses dîners. » dit fièrement Dobbs en s'en allant. « Ayez l'œil sur les garçons. »« Vous ne connaissez pas encore mes enfants, si vous le croyez capable de priver de quelque chose leur sœur malade, » dit Jane avec chaleur. « Je sais que les estomacs des garçons sont toujours à la chasse des bons morceaux. Vous pourriez bien écorcher tout vif un garçon, mais vous ne lui ôteriez pas son goût pour les friandises. » Madame Halliburton réfléchissait. Ses secours inattendus lui paraissaient miraculeux. « Maman, tu ne m'écoutes pas. Parles-tu, Jenny? Je disais que je crois que Dobbs a acheté cette volaille pour moi. Madame Rice ne mange pas, et Dobbs n'achèterait pas un poulet pour elle seule. Elle me donne toujours les meilleurs morceaux et elle ronge les os. Si tu savais comme ces dames sont bonnes pour moi, qu'est-ce que je deviendrais, maman, si je n'avais que notre nourriture ordinaire? Je ne pourrais pas la manger. Dieu nous protège, ma chère enfant. C'est lui qui nous a envoyé ce secours. Que nous vivions ou que nous mourions, Jenny, nous sommes entre ses mains. Et il fait tourner toutes choses à notre bien. Est-ce que mourir peut être pour notre bien? Demanda Jenny d'un ton réfléchi. Oui, mon enfant, si Dieu le veut. Je t'ai souvent parlé du repos après la tombe, mon enfant. Il n'y a là ni larmes ni séparation. Qu'est-ce qui vaut le mieux? Rester ici ou aller dans ce repos? Oh, Jenny, nous pouvons supporter la maladie avec une pareille espérance. Le garçon apothicaire frappait. Il apportait la médecine pour Mademoiselle Halliburton. Mademoiselle Halliburton fit la grimace quand sa maman versait la dose. Je ne puis pas la prendre, ça sent si mauvais. Jane lui tendit le verre avec un sourire grave. Mon enfant, c'est une des petites croix de la terre. Essaye de ne pas te rebeller. Voici encore un peu de confiture pour prendre après. Jenny prit courageusement le verre. « Ce n'était pas si mauvais que je le croyais, maman, » dit-elle quand elle lui avalait sa potion. « Naturellement, Jenny, ce que nous faisons avec courage ne nous paraît jamais bien pénible. » Mais Jenny ne se fortifiait pas, et sa mère avait peur d'admettre ce fait déjà trop palpable. Dobbs venait parfois s'asseoir à côté de l'enfant un quart d'heure entier sans dire un mot. « Pourquoi me regardez-vous donc, Dobbs ?» demanda subitement Jenny. « Vous pleuriez hier soir en me regardant. » Dobbs fut embarrassé. « J'avais pelé des oignons, » répondit-elle. « Pourquoi crains-tu de regarder en face la vérité ?» murmurait une voix intérieure à Madame Halliburton. Le même jour, quand M. Parry eut fait sa visite à Madame Rice, il entra pour voir Jenny. « Vais-je mieux, monsieur ?» lui demanda-t-elle. « Je voudrais tant aller courir dans les champs. »« Ah » dit-il. « Il nous faut attendre encore un peu, ma petite demoiselle. » Jane sortit avec lui. Quand il lui tendit la main, il vit qu'elle était pâle et que l'émotion l'empêchait de parler. « Se remettra-t-elle, monsieur Parry ? » articula-t-elle avec peine. « Ne vous tourmentez pas, madame. Dans les maladies de ce genre, nous ne pouvons que patienter. »« J'ai déjà tant souffert que je commence à m'y habituer. » continua-t-elle en s'efforçant de parler avec calme. « Voilà bien des jours que je voulais vous demander la vérité. Si je dois la perdre, monsieur, il vaut mieux que je le sache d'avance. Cela me sera plus facile à supporter. Elle est bien malade, n'est-ce pas ? » ?»« Oui, je le crains. » « Y a-t-il de l'espoir ? » ?»« Vous savez, madame Halliburton, que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. » Il parlait amicalement, mais elle ne pouvait s'y méprendre. Il n'y avait pas d'espoir. Les lèvres de la pauvre malade étaient pâles, sa poitrine haletait. « Je comprends, » murmura-t-elle. « Dites-moi encore une chose, quand viendra la fin ?»« Je ne puis réellement pas vous le dire. » répondit-il vivement. « Ces cas varient beaucoup. Ne vous laissez pas abattre, madame Halliburton. Nous devons tous partir, un peu plus tôt, un peu plus tard. Je voudrais voir tous les miens s'en aller avant moi, plutôt que de les laisser dans ce triste monde. » Il lui serra la main et partit. Jane monta sans bruit passer 10 minutes dans sa chambre. Pauvre femme! Elle ne pouvait se livrer en paix à son chagrin. Il fallait qu'elle continuât son ouvrage. Elle avait sa tâche journalière. Et les 10 minutes qu'elle perdait dans la journée, il fallait les remplacer la nuit. Comme elle descendait, les yeux rouges, Madame Rice l'entendit et l'appela de son lit. « Est-ce vous, madame ?» Jane dut entrer. « Êtes-vous mieux, madame ? » demanda-t-elle. « Non, madame, je ne me sens pas mieux. Ce pari va changer le traitement, mais c'est un mal qui doit suivre son cours. Comment va Jenny ? L'a-t-il vue ? Elle est la même chose, elle n'est pas mieux, je crains qu'elle ne le soit jamais. » « Oui, c'est ce que répète Dobbs. Je suppose que c'est Parry qui le lui a dit. Madame, je vous en prie, n'épargnez rien de ce qui peut lui faire du bien. Quoi que ce soit qu'elle désire, dites-le à Dobbs et elle l'aura. Je ne voudrais pas pour tout l'or du monde savoir cette enfant mourante, privée d'une fantaisie quelconque que je pourrais lui procurer. N'épargnez rien pour elle. » Cette enfant mourante. En dépit de ce que savait Jane, un frisson la glaça. Elle essaya, comme elle l'avait fait bien souvent, d'exprimer à Madame Rice toute sa reconnaissance. « Je vous en prie, n'en parlez pas, » répliqua la vieille dame avec sa simplicité habituelle. « Je n'ai point d'enfant, et Dobbs et moi, nous nous sommes attachés à la vôtre. Nous ne pouvons trop faire pour elle. J'ai parlé à Parry, ainsi ne ménagez pas ses services. À quelle heure que ce soit du jour ou de la nuit, envoyez-le chercher, si vous le jugez nécessaire. » Jane descendit le cœur reconnaissant. Sa coupe débordait, mais elle n'en sentait pas moins les bénédictions qui lui étaient accordées. À partir de ce moment, elle chercha à préparer la petite fille à son départ pour un plus beau pays. Un soir, vers 8 heures, Patience entra, en partie pour demander des nouvelles de Jenny, en partie pour prier William d'aller chercher Anna chez Madame Ashley où elle avait été invitée. Samuel Lynn avait été retenu en ville par des affaires et Grace était sortie. Patience n'avait personne à envoyer. William quitta ses livres et sortit avec empressement. Patience s'assit près du sofa de Jenny. « Je suis si fatiguée, Patience. Je voudrais bien avoir quelques jolis livres à lire. Je lui ai relu tous ceux d'Anna. Et elle ne veut plus rien manger de solide. Elle est dégoûtée de tout ce qui est bon, » ajouta Dobbs d'un ton fâché. William s'était hâté d'aller chez M. Ashley. Il fut introduit dans une chambre pour y attendre Anna, et son attention fut attirée par un rayon de livres d'enfants. Il savait que c'était précisément ceux que Jenny aurait désirés. Il en feuilletait quelques-uns quand Anna entra toute prête, suivie de Mme Ashley, de Marie et de Henry. William rougit. Mme Ashley remarqua sa jolie figure franche et ingénue, son front ouvert et ses beaux yeux gris. « Vous regardez nos livres ?» lui demanda Henry, qui ce jour-là était de fort bonne humeur. « Je suis fâché de les avoir touchés, » répondit William. « Je pensais à autre chose. »« Je suis presque sûr que tu pensais à ta sœur, » s'écria Anna. « C'est vrai, » dit William, toujours candide. « J'aurais voulu qu'elle pût les lire. »« Je lui ai parlé de ces livres, » dit Anna en se tournant vers les autres. « Je lui ai raconté tout ce que je savais d'Anna Ross, ce livre que tu as dans la main, William. Elle aimerait tant le lire. Elle est toujours couchée. » « Est-elle bien malade ?» demanda Madame Ashley. « Elle est mourante, » répondit Anna. C'était la première allusion à la grande douleur qui allait survenir. William changea de couleur, son cœur battit. « Oh Anna, qui est-ce qui l'a dit ?» s'écria-t-il d'un ton désolé. Il eut un silence complet. Madame Ashley regardait avec compassion le pauvre garçon. « Ah, encore ma langue !» s'écria Anna, toute repentante. « Patience dit qu'elle s'étonne que personne ne me la coupe. » Marie Ashley, fraîche et jolie petite fille aux yeux bruns comme ceux de Henry, s'avança d'un air sympathique. « Anna m'a parlé de votre sœur, » dit-elle à William. « Elle peut lire tous mes livres. Vous pouvez lui emporter quelques-uns et venir les changer aussi souvent que vous le voudrez. » William était enchanté. Marie en choisit 4 et les lui remit. Le fermier aveugle, Marguerite, Théophile et Sophie, Anna Ross. Bien vieux et bien enfantin étaient ses livres, mais parfaitement la portée de celle qu'on commençait à appeler une enfant mourante. « Dites donc, » cria Henry d'un ton aristocratique et légèrement protecteur, comme William partait. « Comment va votre latin ?»« Bien, mais pas tout à fait aussi vite que si j'avais un maître. Je suis obligé de surmonter par moi-même les difficultés, et je ne sais pas si ce n'est pas le meilleur moyen d'avancer. Je continue aussi mon grec, mon euclidé. Combien de temps travaillez-vous ? » interrompit Henry. De 6 heures à 9 heures et demie, j'aide un peu mes frères pendant ce temps. Voilà de la persévérance, Henry, s'écria Madame Ashley, et Henry dut lever les épaules. Anna, commença William quand ils furent en route, comment savez-vous que Jenny est si malade? William, tu peux le demander à ta mère, elle peut se remettre. Elle était malade l'été passé, et Anna Dobbs prétendait aussi qu'elle était bien mal et elle s'est remise. Sais-tu ce que dit Patience? Quoi donc? Demanda vivement William. Patience dit que j'ai des oreilles là où je devrais n'en avoir qu'une. Je pense que tu es de même. Adieu, ajouta-t-elle comme ils arrivaient. Je te remercie d'être venu me chercher. William attendit qu'elle fût entrée, puis il alla en hâte vers sa mère qui travaillait seule comme d'habitude. Maman, est-ce vrai que Jenny est mourante? Le cœur de Jane bondit. Le pauvre William pouvait à peine parler. Qui t'a dit cela? Demanda-t-elle tout bas. « Annaline, est-ce vrai ?»« William, je le crains. Ne pleure pas, mon enfant, ne pleure pas. » William avait appuyé sa tête sur la table et sanglotait. Sa pauvre mère quitta son ouvrage et, penchant sa tête sur la sienne, se mit aussi à pleurer. « William, murmura-t-elle, pour l'amour de moi, ne te désole pas. Dieu seul sait ce qui nous est bon. Il ne nous la reprendrait pas, si ce n'était pas pour notre bien. »